justement est demandé en fait pour essayer de comprendre et d'essayer de trouver des solutions à l'impasse dans laquelle nous sommes. En fait, il faut bien le reconnaître. Ok. Ça va, je reprends. Je continue, d'accord. Non, et ce que je voulais dire, en fait, je vais essayer de. Ouais, je vais me tourner un peu vers vous d'ailleurs pour avoir plus d'informations. D'accord. Alors, oui, donc je disais, l'actualité de Murray Bookchin, effectivement, elle revient par le Rojava, comme tu disais tout à l'heure, Gérald, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a fait reconnaître à nouveau, quoi, parce que c'est quelqu'un qui a écrit il y a déjà longtemps. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais expliquer comment j'en suis venu à l'écologie sociale, comment j'en suis venu à écrire un livre, un premier livre, puis un second livre. Et le contenu du second livre, surtout, qui est la lecture de Bookchin par moi-même. Je veux dire, ce qui m'intéressait dans Bookchin, à la première partie du second livre, c'est-à-dire celui-ci, c'est d'agir ici et maintenant, penser l'écologie sociale de Murray Bookchin, c'était de voir son parcours. Comment il est arrivé à la conception, à concevoir l'écologie sociale et aussi la proposition politique de l'écologie sociale, qui est le communalisme. Donc ça m'intéressait fort, et c'est ce que j'ai fait dans la première partie du livre. Et la deuxième partie du livre, c'est une actualisation de la pensée de Bookchin dans le milieu où nous sommes, c'est-à-dire ici et maintenant, dans un pays du centre, on va dire, du capitalisme, et comment on pouvait développer à partir de ce qu'il y a, et non pas à partir de n'importe quoi, il faut partir sur ce qu'il y a, et bien faire des propositions concrètes. Voilà, donc j'essaye d'actualiser, de contextualiser la pensée de Bookchin dans la seconde partie de ce livre. Alors, bon, je reprends un peu. Moi, je suis né dans une famille où mon père était anarchiste espagnol, anarcho-syndicaliste, et était réfugié, donc ma première langue c'est l'espagnol, mais tout de suite, évidemment, en sortant, j'ai appris le français, c'est pour ça que je parle aussi bien le français. Et donc ma recherche, dès que j'étais petit, nous, le rêve c'était de retourner en Espagne et que le Franco allait mourir, évidemment, mais il a tardé beaucoup à mourir, malheureusement. Et puis donc, ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais adolescent, en fait, j'ai cherché quelque chose qui pouvait correspondre à ce que moi j'avais appris dans les livres, dans les revues de mon père, et j'ai pas trouvé quelque chose de vivant. J'ai retrouvé des sigles, mais qui étaient vides, en fait. Quand je vois la CNT, par exemple, en France, ce que c'était, eh bien, c'était une répétition de ce qui s'était passé il y a bien longtemps auparavant, et dont les conditions étaient complètement distinctes. Donc, ça a été un frein pour l'évolution de l'anarchisme, justement, qui pouvait apporter des solutions quand même dans ses principes. Donc, dans cette impasse, je me suis pas reconnu, et à ce moment-là, j'ai eu la chance de connaître les livres de Murray Bookchin, et je me suis dit, mais c'est ça, c'est exactement ça, quoi. Voilà. Et depuis, je ne fais que rechercher, essayer de comprendre les choses à travers sa vision, parce qu'elle me semble intéressante, et vous allez voir pourquoi. Donc, je suis allé en Espagne en 87, toujours dans cet esprit de retrouver les traces de mon histoire. Et en fait, je me suis aperçu que les traces étaient bien effacées. En fait, le massacre du franquisme et 40 ans de dictature avaient effacé des mémoires ou même volontairement avaient été oubliées. Ces atrocités, quoi, du franquisme qui a tué 500 000 personnes après la guerre, quoi. C'est vraiment affreux. Et puis en fait, je me suis aperçu que non, qu'il n'y avait plus personne, il n'y avait plus grand-chose, disons. Et on a tenté de monter un éco-village qui était un centre d'écologie sociale. Et au bout d'un moment, ça n'a pas marché. Je me suis posé la question, pourquoi ça ne marche pas, quoi. Pourquoi ça n'a pas marché, tout en étant en contact avec les organisations libertaires. Et c'est là que j'entreprends donc un travail de recherche. Et je me suis dit, tiens, mais Bookchin a fait la même chose, en fait. C'est parce qu'il s'est retrouvé face à un problème qu'il a essayé de trouver une solution. Et toute la vie de Bookchin a été ça. Action, réflexion. Action, réflexion. C'est cette dialectique qui lui a permis, justement, d'élaborer l'écologie sociale. J'en viens maintenant. Donc, à un moment donné, on m'a demandé, donc c'était Serge Latouche qui a demandé à mon ami Vincent Gerbert, donc, qui tient un site... Pardon, ouais. un site qui s'appelle écologiesociales.ch, où il y a toute la pensée de Bookchin qui est exposée, ben, pas mal. Il y a des articles aussi, différents auteurs. Et justement, Serge Latouche lui demande, parce qu'il avait écrit un livre sur Murray Bookchin, s'appelle « Une biographie intellectuelle de Murray Bookchin ». Et il lui a demandé, Serge Latouche, de faire un livre sur la pensée de Bookchin pour la collection « Les précurseurs de la décroissance aux passagers clandestins ». Donc il m'a dit « Je me sens pas, est-ce que tu veux le faire ?» Je me suis dit « Écoute, bon, on va le faire ensemble ». Et donc on a fait un premier livre ensemble au sujet de la décroissance, mais vu par le prisme de l'écologie sociale. Donc voilà, et ce livre a été réédité maintenant. Il a été repris par deux femmes qui ont demandé de l'enrichir un peu dans la perspective féministe, ce qu'on a fait, puisque l'écologie sociale, vous verrez, s'appuie beaucoup sur la critique de la domination, quoi, en commençant par la domination de l'homme sur la femme. Donc voilà, on a écrit ce livre. Donc la première partie, en fait, c'est une mise au point de ce que nous, on entend par décroissance, que la décroissance est impossible dans une économie capitaliste, puisque l'économie capitaliste, c'est croître ou mourir. Il n'y a pas de capitalisme à visage humain, il n'y a pas de capitalisme vert, c'est impossible, par sa structure dynamique, de croître ou mourir. Voilà, donc ça, c'est un peu la mise au point. On a dit, bon, effectivement, on peut parler de décroissance, le gouvernement, par exemple, peut le faire, comme ça s'est passé avec les gilets jaunes, par exemple. On prend des mesures contre la pollution en disant on va augmenter le prix de l'essence, on va mettre des taxes sur l'essence, comme ça, ça polluera moins. Mais on sait très bien qui va pouvoir le faire. Les riches vont pouvoir le faire, mais les pauvres, non. Et ça résout rien, absolument rien à la question, évidemment. D'accord. Je respire. D'accord. Ah non, mais t'as raison, je suis désolé. Ouais, d'accord. Donc la deuxième partie du livre, ce sont des extraits de Bookchin, par exemple la croissance des articles qu'il a écrits, c'est la croissance qui nous tue, la mort d'une petite planète, pour une écologie anticapitaliste, et aussi le thème du communalisme. Quoi. Voilà. Donc je commence maintenant, quand ce livre a été terminé, je me suis donc attelé à écrire un deuxième livre qui, justement, là, je vous ai raconté un peu comment il est constitué. Donc, je reprends, je fais une petite introduction en présentant. Dans la première partie du livre, je commence à expliquer que Murray Bookchin, en fait, il est né en 1921 dans le Bronx, un quartier de New York, et très tôt, il est obligé de se confronter au monde du travail puisque, à 9 ans, il se retrouve orphelin, en quelque sorte. Non, il ne perd pas sa mère, mais en fait, son père disparaît, il est parti. Sa mère est toute seule. Mais il avait une grand-mère aussi qui avait une tradition révolutionnaire, puisqu'elle a quitté la Russie comme juif aussi. Elle a quitté la Russie après la révolution de 1905. Et il a atterri, donc, ils ont atterri, toute la famille a atterri donc, dans le Bronx, à New York. Et sa mère, en 1927, donc il naît en 1921, il meurt en 2006. En 1927, donc, est assassiné, Sacco et Vanzetti sont assassinés donc, par le Capital, parce que suite à des grèves qui réclamaient la journée des 8 heures, ils ont été accusés d'un attentat qu'ils n'avaient jamais commis, mais en fait, c'était pour freiner le mouvement révolutionnaire. Et sa grand-mère lui dit « N'oublie jamais ceci, ce que font les capitalistes aux ouvriers ». Donc, à partir de là, évidemment, lui, il a 9 ans, son père quitte la famille, et il doit se trouver des moyens pour nourrir cette famille, enfin, sa mère surtout, parce que sa grand-mère étant morte. Il a 9 ans, il rentre aux Jeunesses communistes, s'appelle Pionniers à l'époque, et c'était une organisation très combative, le Parti communiste à l'époque. Et donc, lui rentre là-dedans, et tout de suite, il vend des journaux, c'est avec ça qu'il gagne sa vie, mais tout de suite, il prend part aux discussions. Vous savez qu'à cette époque, les gens montaient sur des caissons dans les parcs et ils commençaient à ranguer, enfin, à discuter entre eux, comment on va faire pour sortir de cette impasse de le capitalisme et tout. Et il prend des cours aussi, des cours du soir. Le soir, les ouvriers se rencontrent dans un lieu pour pouvoir parler de ces questions qui vraiment préoccupe énormément les gens. Il y a beaucoup de gens qui meurent de faim. Les conditions des ouvriers étaient assez horribles, quoi. Donc, il apprend le marxisme-léninisme, et pour lui, ses héros, c'est Leibniz, c'est Rosa Luxembourg, c'est Lénine, voilà, tous ces personnages du marxisme-léninisme. Et donc, à 15 ans, c'est-à-dire c'est en 1936, là, il commence à y avoir des désaccords avec la ligne du parti, puisque le parti, à un moment donné, il dit il faut considérer les socialistes comme des fascistes. Et lui, il dit, mais attends, moi, j'ai des amis qui ont des amis de même âge que moi, et je ne considère pas que ce soit des fascistes, c'est impossible, quoi. Quelques mois après, il dit, et Staline dit, ben, évidemment, il faut faire un front commun. Et puis après, il y a le pacte germano-soviétique. Il ne comprend pas, quoi, toutes ces manœuvres qui sont en train de passer, ça lui met la puce à l'oreille. Et en 1936... Il apprend de la bouche de... Enfin, 1937, pardon, il apprend de la bouche du Parti communiste qu'il y a eu une révolte fasciste à Barcelone. Or, ce n'est pas une révolte fasciste, c'est une révolte anarchiste, justement, contre le stalinisme, quoi, qui prend toute son ampleur et qui prend tout le pouvoir. Donc, lui, il va au cinéma et c'est là qu'il découvre qu'en fait, ce sont des anarchistes. Il ne savait pas très bien, il a entendu parler d'anarchisme, mais il ne savait pas très bien ce que c'était. Mais à partir de là, il quitte le Parti communiste. Il y revient pour avoir des fonds pour aider le front populaire, pour aider les ouvriers en lutte contre le fascisme en Espagne. Lui voulait partir aussi dans les brigades internationales, mais étant donné son âge, il n'avait que 15 ans, donc il n'a pas pu y aller. Voilà. Donc à partir de là commence une évolution, on va dire. Il ne devient pas anarchiste tout de suite. Il rentre chez les trotskistes. Il s'aperçoit plus ou moins que la façon de fonctionner, c'est un peu la même qu'au Parti communiste, quoi. Disons que c'est une organisation structurée, mais très pyramidale. Et il dit qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Mais il retient chaque fois qu'il passe à quelque part. Ce qui est fabuleux chez Bookchin, c'est ça, c'est qu'il retient quelque chose. Trotsky a dit, dans ces années-là, avant 1950, avant la fin de la guerre plutôt, il dit tout de suite, si il n'y a pas une révolution à la fin de cette guerre, il faut changer le sujet révolutionnaire. Le sujet révolutionnaire étant, bien entendu, chez les marxistes, lénistes de cette époque, et je crois toujours maintenant, le sujet révolutionnaire étant la classe ouvrière, c'est-à-dire le prolétariat comme tel. Donc, Trotsky meurt, il est assassiné par Staline à Mexico, hein, je crois que c'est dans les années 1940 ou 41. Bon, enfin, il est assassiné, et le trotskisme se divise. À ce moment-là, il éclate, quoi. Et lui, avec un autre, Joseph Joubert, un autre trotskiste, donc, fonde une dissidence, on va dire, et un journal dans lequel il commence à réfléchir sur les questions qui se posent. Et une des premières questions qui se pose, justement, et qui n'a pas à voir avec le travail, c'est la question de l'écologie, du problème de l'écologie. Mais entre-temps, il finit son expérience. C'est important que je raconte cette expérience parce que lui... Il n'était pas seulement militant au Parti communiste, il était aussi syndicaliste, quoi. Il travaillait dans une fonderie et après dans l'industrie automobile. Et dans les années, je crois que c'est en 1948, oui, c'est ça, il y a eu une grève énorme. Il y a eu 500 000 ouvriers en grève de la côte nord, de la côte est à la côte ouest. Et après des mois de grève, les caisses se sont... ont perdu, hein, ils n'ont plus de caisse de résistance, donc ils ont été obligés de se rendre. Cette bataille, il a gagné le patronat, c'est le patronat qui l'a gagné. Donc il a vu quelque chose qui pour lui était impensable, c'est-à-dire que les syndicalistes professionnels sont devenus comités d'entreprise, hein, et puis les ouvriers ont accepté les améliorations que leur proposaient les patrons, entre autres celle d'être des actionnaires dans l'entreprise. Donc à partir de ce moment-là, il se dit, le socle dur sur lequel j'avais bâti toute ma raison d'être, c'est-à-dire changer le capitalisme, il s'effondre, quoi. Enlever le capitalisme, dépasser le capitalisme, s'effondre. Donc là, il est perdu, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est à ce moment-là aussi, c'est la fin de la guerre, c'est à ce moment-là qu'il y a des dissidences aussi chez les marxistes, léninistes, et il y a l'école de Francfort qui remettent en question justement le fait que ce soit le sujet révolutionnaire soit vraiment les ouvriers, parce que bon, ben, le capitalisme a réussi son premier tour de force, c'est-à-dire intégrer la classe ouvrière dans ses propres bénéfices. Une partie du moins, parce qu'il y en a toujours une qui est toujours plus bas. Il y a le prolétariat des autres pays qui ont été colonisés, qui, eux, font le travail que les autres ne font plus parce que les conditions se sont améliorées dans le centre du capitalisme, c'est-à-dire la zone piétonne du capitalisme dans laquelle on se trouve actuellement. Donc, il y a aussi l'évolution, évidemment, de la technologie qui fait que, pour certains travaux, eh bien, le prolétariat est moins nécessaire. Et de plus en plus, le prolétariat s'effrite, quoi. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des auto-entrepreneurs, de plus en plus, chacun essaye de monter son entreprise. Donc, on n'a plus cette communauté, en fait, de gens qui se retrouvent face à un patronat. De plus en plus, cette fonction est délabrée, quoi. Donc, elle s'érode, hein. Voilà. Donc, à partir des années 50, commence une conscience écologique aux États-Unis, et lui-même écrit un livre qui est publié en 1962, qui s'appelle « Notre environnement synthétique », mais il avait déjà fait un rapport sur les conséquences que peuvent avoir sur l'organisme vivant l'utilisation des pesticides, des herbicides, des conservateurs. Donc l'agriculture industrielle, en fait, elle empoisonne par sa manière, façon d'être, par sa nécessité d'accumuler des biens et les vendre, devient un gros problème, ouais, au niveau de la pollution des gens, enfin des maladies des gens, mais aussi de la destruction des écosystèmes et de l'empoisonnement de l'environnement, quoi. Enfin, donc c'est un des premiers révélateurs de ce gros problème. Et qui lui dit donc à ce moment-là, si le capitalisme a réussi à surmonter sa première contradiction, qui était cette contradiction entre les tenants des moyens de production, la propriété privée des moyens de production, et ceux qui n'en avaient pas et qui étaient considérés comme des esclaves, en fait, eh bien, comme force de production, eh bien, la première contradiction, ils ont réussi à la dépasser. Ils se trouvent maintenant face à une autre qu'il sera impossible de dépasser. Et cette contradiction, c'est celle qui fait qu'elle est en train de détruire les bases qui ont permis un jour à l'être humain d'apparaître sur la Terre. Et ça, pour lui, ça apparaît déjà dans les années 50. En 1962, est publié ce livre, donc « Notre environnement synthétique », 6 mois avant la publication du livre de Rachel Carson, qui va être le best-seller, qui va propulser le mouvement écologique aux États-Unis et dans le monde, en fait. Mais très tôt, il se retrouve donc, pour lui, le sujet révolutionnaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est plus le prolétariat, donc c'est la majorité des gens. C'est la majorité parce qu'on est tous et tous confrontés à ce problème fondamental, à ce problème, on va dire, de survie, quoi, de l'humanité. Donc c'est assez grave. Donc il dit, maintenant, on a sans doute là une chance de pouvoir dépasser le capitalisme, il faut absolument l'abattre, quoi. Et pourquoi il fait cette constatation? Eh bien, c'est simple. Enfin, je veux dire, il a une connaissance des études de Marx. Et Marx, il considère qu'il y a des choses intéressantes à récupérer chez Marx, notamment l'analyse du capitalisme. Mais il y a aussi... Donc, il parle, c'est pour ça qu'il parle du Marx sombre et du Marx lumineux. Pour lui, il rejette chez Marx son matérialisme historique. C'est-à-dire que automatiquement, étant donné les contradictions qu'il y a entre le capital et le travail, à un moment donné, donc, il va y avoir un renversement. C'est-à-dire, tout comme la bourgeoisie a pris la place de la noblesse et de l'aristocratie, eh bien, à un moment donné, lorsque le prolétariat sera mûr, il prendra la place de la bourgeoisie. Ça, ça s'appelle une téléologie, c'est-à-dire que ça doit arriver. Mais bon, voilà, donc, dans l'analyse... Bon, maintenant, je vais faire un peu une présentation de ce que c'est que l'écologie sociale. Parce que, justement, c'est à partir de ces constatations, donc, lorsqu'il publie ce livre, « Notre environnement synthétique », il commence déjà à poser les jalons de ce que va être plus tard l'écologie sociale. Et donc, ce livre a été caché à quelque part par la publicité, par... le marché, parce qu'il remettait en cause les bases mêmes du capitalisme, alors que celui de Rachel Carson considérait qu'il y avait un environnement et puis il y avait une société, deux choses différentes. Alors que Bookchin, tout comme ici il s'est dit, c'est-à-dire nous, ici quand on dit on ne défend pas la nature, c'est la nature qui se défend, eh bien l'écologie sociale, une de ses bases, c'est vraiment ça, quoi. On est la seconde nature, on est une nature. On n'est pas différent de la nature, on est nature. Voilà. Donc, voilà, je vais expliquer rapidement ce que c'est que les bases de l'écologie sociale et après je passe à l'explication de ce que c'est que le communalisme et son projet politique. Bon, les bases, si vous voulez, on considère l'écologie sociale, moi, chaque fois que je présente l'écologie sociale, je la présente sur trois, comme une table à trois pattes. Il suffit qu'on en enlève une et cette table se casse la figure. C'est-à-dire, il y a une analyse, une constatation qu'on partage avec tous les écologistes du monde. Effectivement, on se trouve face à un effondrement, c'est clair. Mais ce qui change fondamentalement, c'est l'analyse, c'est-à-dire que de pourquoi il se passe ce phénomène. Le phénomène, c'est qu'on est dans un système économique, qui est le capitalisme, donc, qui est obligé de croître. C'est-à-dire, quand on a une entreprise, si on veut la maintenir, il faut qu'elle soit concurrente sur le marché, il faut qu'elle soit concurrente des autres entreprises, sinon elle se fait bouffer. C'est un mécanisme obligatoire. C'est ainsi que petit à petit, le capitalisme a pris le dessus sur toutes les formes marchandes. Et ça devient, comme disait Marx, un sujet automate. Ça fonctionne tout seul. C'est-à-dire, c'est sa logique, c'est une structure dynamique. C'est-à-dire que les capitalistes eux-mêmes ne sont que les officiers, les sous-officiers du capitalisme, comme le disait Marx. Donc ils fonctionnent dans cette optique de faire fonctionner cette machine. Ils ne peuvent pas passer outre. C'est une obligation. C'est pour ça que, même quand on parle de capitalisme vert, ce n'est pas parce qu'on va construire des voitures qui consomment moins qu'on va cesser pour autant de polluer. Non. On va continuer à polluer un peu plus longtemps, peut-être, parce que ça va peut-être durer un peu plus longtemps, mais à la fin, on détruit, quoi. C'est la destruction. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, dans les analyses des catégories du capitalisme, il y en a une qui est fondamentale et qui a été mal comprise par la gauche, on va dire, en général, et par les Verts actuellement, et c'est l'État. L'État est une pièce fondamentale du capitalisme. Pourquoi ? Parce que l'État fournit au capitalisme tout ce qu'il a besoin pour fonctionner. Les conflits de classe, il les solutionne de deux façons, la carotte ou le bâton. Lorsque la carotte ne marche pas, lorsque le marché fonctionne mal, à ce moment-là, il intervient plus durement avec la police. Ça lui revient moins cher que d'intervenir avec la carotte. Donc voilà, c'est une logique. C'est-à-dire que l'État, c'est aussi celui qui met tout, qui formalise tout, qui met tout, qui catégorise, qui met les normes, qui favorise le marché aussi. Par exemple, en Espagne, avant qu'il y ait la crise là, du Covid, là, je sais pas, il était dit que justement, il fallait, les compagnies d'aviation n'avaient pas de taxes à payer sur le kérosène parce qu'il fallait favoriser le tourisme. C'est l'industrie numéro un. Donc, vous voyez que l'État intervient toujours. Et bon, on connaît les travaux de Mélanie Klein sur la stratégie du choc. C'est-à-dire chaque... Naomi Klein, oui, pardon. Oui, donc chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, l'État intervient pour favoriser l'avancée des entreprises, des nouvelles productions, des nouveaux... il y a des spéculations qui se développent. Voilà. Ça, c'est important parce qu'on se rend compte que tout ce qui est conquête de l'État est voué à l'échec. C'est pour ça que la société du spectacle dont parle Guy Debord, eh bien, c'est la politique, en fait, ce qu'on appelle la politique, en général. C'est-à-dire la prise du pouvoir, le tenter la prise du pouvoir. Or, cette démocratie, c'est une démocratie représentative. Ce n'est pas une démocratie. C'est un oxymore de parler de démocratie représentative. Mais c'est une forme de gouvernement qui a été mise au point après trois révolutions bourgeoises. Trois ou quatre. La révolution française, la révolution avant hollandaise, anglaise, française et États-Unis. Donc maintenant, on sait que c'est dans ce giron-là que toute politique a pour but la prise en main de l'État en disant « nous, on va faire mieux ». Mais ce n'est pas vrai, parce que si le capitalisme dépend de l'État, l'État dépend aussi du capitalisme. C'est-à-dire pour payer ses fonctionnaires, pour payer l'armée. Voilà. En fait, le capitalisme, c'est comme disait Eduardo Galeano, je vais vous dire en deux mots ce que c'est que le capitalisme. Il dit, voilà, les guerres ont besoin d'armes, mais les armes ont besoin de guerre. Chaque minute, il y a 10 enfants qui meurent de faim par manque de besoins primaires, de soins primaires, et toutes les minutes, il y a 300 millions d'euros, de dollars qui tombent grâce aux industries de l'armement. Voilà, c'est ça le capitalisme en fait. Comprenez qu'il n'y a pas d'échappatoire. Soit on s'en sort, soit on est détruit par le capitalisme. Voilà. Ça c'est fondamental pour comprendre toute l'écologie sociale. Donc j'en suis encore à la deuxième patte. Hein. La première, je suis dans la constatation, l'analyse. La deuxième, c'est quelle société devrait être. Comment la seconde nature, c'est-à-dire la société, peut s'intégrer dans la première. Voilà. Ça, c'est fondamental et c'est l'imaginaire aussi. On va imaginer comment on peut s'intégrer. Et on a plein de pistes pour le faire. On a les sociétés précédentes qui nous permettent de mieux comprendre comment. On doit travailler sur le local, évidemment. En partant du local, on peut évaluer les nécessités que l'on a vraiment. Il nous faut décider vraiment de ce qu'on a besoin, de ce qu'on n'a pas besoin. Parce que, bon, on a un lavage de cerveau permanent sur nos besoins qui en fait... dessine les besoins qu'on a, mais ce n'est pas nos vrais besoins. Ce sont les besoins de l'industrie, des industries. Parce que c'est la seconde industrie après l'armement, c'est l'industrie publicitaire. Donc, voilà. Donc, cette société qui devrait être, c'est un objectif, c'est sortir du capitalisme pour intégrer réellement les écosystèmes en tant que société. Et on a plein de possibilités. On parle, par exemple... des systèmes de permaculture, on a plein de pistes qui nous disent ce qu'on pourrait faire et comment ça pourrait être. Et c'est pas une utopie, c'est une utopie dans le bon sens du mot, parce que la dystopie, c'est celle qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire le manque d'utopie, mais on nous dit, oh, mais c'est une utopie, et bien, l'utopie, c'est de penser aussi que le capitalisme peut continuer à durer. Ça, c'est une utopie dans le mauvais sens du mot employé, mal employé. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième patte. Et la troisième patte, c'est comment on va arriver à la fin. C'est-à-dire les moyens qui vont déterminer la fin. C'est-à-dire que les moyens ne doivent pas être en contradiction avec les fins. On nous dit toujours les moyens justifient... la fin justifie les moyens. Et ça, c'est la grande erreur historique du marxisme-léninisme. On a vu comment... une révolution supposément qui devait nous amener au communisme est arrivée à un capitalisme d'État aussi féroce, sinon plus, que l'autre. Donc là, il faut apprendre de l'histoire. Donc voilà, ça c'est un peu présenté rapidement. L'écologie sociale, c'est aussi dire les problèmes écologiques ont leurs sources, plongent leurs racines dans les injustices sociales. Et les injustices sociales elles-mêmes plongent leurs racines dans la domination. Domination de l'homme sur la femme, ça commence comme ça. Et ça, bon, il a une thèse aussi, je ne veux pas développer ici, ça prendra un peu trop de temps, mais bon, il y a 8000 ans environ, donc dans le Moyen-Orient, dans le croissant fertile, il y a eu un changement climatique qui a provoqué ce changement aussi social. Je peux en parler après si vous êtes intéressé, mais bon, voilà. Donc, il y a eu à un moment donné un changement brutal qui a, anthropologiquement, on a complètement changé la structure de la société. Petit à petit, hein, ça ne s'est pas fait en un jour, évidemment, ça a mis du temps. Mais n'empêche que, voilà, on est dans. C'est ça le fondement de l'écologie sociale. Quoi. Donc comment y remédier? Eh bien, on ne pourra habiter la Terre d'une façon vraiment en symbiose avec les éléments naturels qu'en effaçant toutes les dominations. Voilà, parce que c'est la base de tout, quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'écologie sociale présentée rapidement. Après, Bookchin, justement, en revenant sur la fin et les moyens, il a étudié très profondément toutes les révolutions qu'il y a eu dans le passé. Et il en a pris de la graine, c'est-à-dire qu'il a appris des choses positives et des choses aussi négatives qu'il y a eu lieu. Je prends l'exemple de la Révolution espagnole. La Révolution espagnole, sans la Révolution espagnole, je pense que Murray Bookchin n'aurait pas mis au point sa proposition politique et le communalisme. Pourquoi ? Parce qu'en Espagne, dans les années 30, en 1936, eh bien, il y avait à peu près 2000 adhérents. L'anarcho-syndicalisme représentait 2000 adhérents. Il n'y avait que 5 permanents qui étaient payés pas toujours. Je veux dire que voilà, ce n'était pas une bureaucratie, c'était vraiment une organisation au service d'un mouvement, et non pas le contraire, non pas une organisation qui stagne, qui essaye de se maintenir coûte que coûte pour défendre des intérêts comme ça. Non, non, c'était vraiment les gens qui avaient pris en main leur vie, et ils avaient un projet politique qui était le communisme libertaire. Mais quand la révolution de 1936... Bon, il y avait tout un mouvement. Quand je parle de mouvement, c'est les écoles rationalistes de Francisco Ferrer. Il y avait les Athénées. Il y avait une espèce aussi de revendication de la nature aussi. Hein. Il y avait beaucoup de courants naturalistes, naturistes dans le mouvement espagnol, anarchiste espagnol. Il y avait aussi un urbanisme social dont on parle très peu. Et qui, en fait, c'est un prédécesseur, je pense, moi j'en revendique, en tout cas dans le livre je l'explique, c'est vraiment le prédécesseur de l'écologie sociale, quoi. Dans ce sens où on considérait que les villes ne devaient pas dépasser 100 000 habitants, que la ville est un organisme vivant, qu'il a des poumons, donc ce sont les arbres qui fournissent l'oxygène, il a un système digestif, donc c'est les potagers qu'on pouvait y faire à l'intérieur, on réduit le nombre des voitures, on réduit les étages des immeubles de façon à ce qu'il y ait du soleil partout. Et on ne dépasse pas les 100 000 habitants parce que, il y a une critique féroce de la ville à cette époque déjà, hein, parce qu'après, on ne peut plus la gérer soi-même, quoi. Ça pose des problèmes au niveau de la gestion de la ville. Donc la ville la plus autosuffisante possible, et on recherche des énergies renouvelables, non polluantes, comme l'énergie éolienne, l'énergie qui fonctionne avec l'eau, là, hydro. Ouais. Et puis, donc, on va redignifier aussi le paysan, en disant, le paysan, vous êtes le moteur, en fait, de la vie. C'est vous qui développez tout ce qu'on a besoin pour manger et qui est en relation avec les écosystèmes. Voilà. Donc, il apprend aussi des erreurs. C'est-à-dire, en 1936, lorsque la révolution éclate, le 18 juillet, il y a un coup d'État militaire, le 19 juillet, la révolution, qui, pour la première fois dans le monde, le peuple arrive à vaincre l'armée, sans armes, pratiquement. Ça, c'est un fait. Et Guy Debord parle de cette révolution comme étant la plus grande révolution du XXe siècle. Donc les gens se prennent en main, ils développent l'autogestion dans tous les domaines de leur vie, ils reprennent en main les propriétés, et les propriétés privées, ils l'autogèrent. Donc il y a des coopératives qui se forment, de logement, de nourriture, d'alimentation. Enfin, c'est tout un réseau qui s'établit. Mais très vite, cet élan est coupé. Pourquoi ? Parce que la CNT, qui a vaincu justement l'armée à ce moment-là, est sollicitée par le président de Catalogne, qui dit « Écoute, le pouvoir est à vous, faites ce que vous voulez de moi. » Eh bien, au lieu de prendre le pouvoir comme il se doit... En fait, j'expliquerai aussi ce que c'est que le pouvoir, parce que souvent on parle du pouvoir, on dit on est contre le pouvoir. Non, le pouvoir est partout. Mais il faut le repérer, savoir où il est, et le partager, parce que c'est le pouvoir de décider. Ce n'est pas le pouvoir sur les autres. Le pouvoir sur les autres, c'est de la domination. Ce n'est pas le pouvoir de créer. Or, Bookchin, quand il parle du pouvoir, c'est vraiment le pouvoir de créer, c'est-à-dire décider ensemble. Et le lieu du pouvoir, c'est le politique. Le politique. Alors, on va voir. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'accord. Mais je m'emballe au bout d'un moment. Ouais. Je vais essayer. D'accord. Je vais essayer. J'ai déjà essayé depuis le début, j'arrive pas très bien, mais je vais essayer. D'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Donc je reprends, j'en étais donc, les anarchistes acceptent finalement la proposition de Companys, donc le président, pour faire partie du gouvernement, alors qu'ils ont toujours été contre l'État et ont toujours refusé de participer dans les instances et les organisations étatiques. À ce moment-là, ça freine l'évolution, quoi, de la révolution. En fait, la révolution est freinée par ce fait. parce que les gens ne comprennent plus, quoi. Et ils participent donc à la régularisation, à la prise en charge de l'organisation de la société, non plus par les gens eux-mêmes, mais par l'État. Donc, ça freine. Malgré tout, les réalisations sont importantes. Hein, quand on voit en Aragon comment ils arrivent à autogérer, à reprendre en main toute la campagne et faire des collectivités où on tient compte vraiment des besoins, où il y a des collectivités qui sont plus favorisées par la nature, qui aident celles qui le sont moins. Ils arrivent à abolir l'argent dans certains domaines. Enfin, voilà. Donc, ils ont commencé vraiment une révolution profonde. Mais il y a eu des erreurs. Comment cette décision a pu être prise par la CNT? Et ça a été fait dans des conditions un peu bizarres, parce que la base n'a pas été consultée. Donc, ça pose du problème. Alors, quel était le problème? C'est qu'en fait, ceux qui ont décidé ça, c'était des leaders. Bookchin dit que les leaders, c'est indispensable, il y en aura toujours, mais les leaders doivent être contrôlés. Et c'est là que la structure d'une organisation intervient pour pouvoir repérer où se trouve le pouvoir. Donc, c'est important. C'est pour ça, déjà, qu'il fait une critique de ceux qui préconisent une absence de structure, une absence de pouvoir. C'est impossible. Ça ne fonctionne pas, ça ne peut favoriser que les plus forts. Voilà, ça c'est le gros problème. Donc, à partir de là, évidemment, Murray Bookchin, il y avait un autre problème aussi, c'est que les anarchistes espagnols ne considéraient pas, comme tous les anarchistes en général, ne considéraient pas le politique. Ils pensaient que le politique, c'était vraiment le politique des partis politiques et c'était une invention de l'État. Or, si on revient à l'origine du mot, eh bien, politique, ça veut dire gestion de la ville par les citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est là qu'on décide des choses. Et ce terme, selon Bookchin, a été usurpé par les classes politiques dominantes et utilisé à leur fin. Voilà. Donc, lui propose le communalisme, c'est-à-dire faire face aux réalités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tourner le dos au pouvoir, on ne peut pas tourner le dos aux décisions, aux prises de décision. Et le lieu de décision, c'est le politique. Alors le politique, c'est quoi? Eh bien, par exemple, dans un village, décider si l'on fait, si on cultive des pommes de terre, si l'on cultive en fonction des besoins, si on crée une industrie du vêtement, si on s'allie avec d'autres villes pour produire un certain nombre de choses dont on a besoin, voilà, ça c'est le politique. D'accord ? Donc lui, ce qu'il propose, c'est, dans sa stratégie du communalisme ou municipalisme libertaire, c'est qu'on prenne en main nos affaires là où on habite. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir l'évaluation des richesses qui nous entourent, c'est-à-dire de l'environnement, de notre environnement. Lui, il appelle ça le milieu plus que l'environnement, parce que l'environnement, ça nous sépare. C'est quelque chose de... Donc prendre en considération le lieu où on habite dans toutes ses facettes. Il y a des facettes sociales, qu'est-ce qui se passe? Il y a la lutte de classe, évidemment, il y a des luttes de classe. Tant qu'on sera dans le capitalisme, il y aura des classes, donc il y a les luttes de classe, elles sont toujours là. Mais ce n'est pas le moteur. Le moteur principal de la lutte actuellement, il pense que c'est vraiment le problème de l'écologie. Fondamentalement, mais il y a toutes les autres qui s'agrègent autour, toutes les autres problématiques. Le genre, le racisme et toutes ces choses-là, ce sont des gros problèmes qu'on doit traiter aussi politiquement. Voilà, c'est un peu le communalisme. Après, c'est une structuration entre toutes les communes pour faire une commune des communes. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle communalisme, parce que c'est une référence à la Commune de Paris, qui préconisait justement une commune des communes. Parce qu'on parle de la Commune de Paris, on parle toujours de Paris, mais en fait, il y en avait tout partout en France, il y a eu des communes. Commune de Marseille, commune de Bordeaux, commune de Toulouse, etc. Et donc, sa référence, c'est ça. Donc, c'est là qu'il fait un ajustement théorique par rapport au marxisme, à l'anarchisme. Il dit, son communalisme, il dit, je prends le meilleur du marxisme, dans son analyse surtout du capitalisme. Je prends le meilleur de l'anarchisme dans sa conception du pouvoir, c'est-à-dire contre toute la domination, et aussi sa proposition fédéraliste et confédéraliste. Ça, c'est important. Et il prend un autre élément, qui est l'écologie. C'est-à-dire, l'écologie scientifique nous montre que plus il y a de variété dans un écosystème, et plus cet écosystème est fort et résilient. Et chez les êtres humains, c'est la même chose. C'est pour ça que les réalisations au Rojava ont été exemplaires dans ce sens, lorsque il y a deux reporters du monde diplomatique qui vont là-bas, ils interrogent une femme, et il dit, ici, on a constitué une vraie mosaïque de peuple. Elle n'a jamais lu Bookchin. Et pourtant, cette phrase, ce mot-là a été employé par Bookchin lui-même. Ce qui veut dire que, vraiment, il y avait une coïncidence. C'est-à-dire que lorsqu'Abdullah Öcalan a lu en prison Bookchin, il a dit, j'abandonne le marxisme-lénisme. En fait, c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et on va développer ce fédéralisme, ce fait de structurer horizontalement l'organisation sociale et politique. Donc, ce que préconise Bookchin, c'est qu'il y ait... par exemple, il y en a qui disent « Ouais, mais il veut qu'on se présente aux élections. » Lorsqu'il dit « On se présente aux élections municipales », ce n'est pas pour être élu au conseil municipal, ce n'est pas pour prendre la municipalité en main dans le système capitaliste. C'est vraiment un instrument du capitalisme. Donc, on est très contrôlé, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir remettre en cause la propriété privée des moyens de production. On ne va pas pouvoir mettre en cause, justement, le fait qu'il y ait des riches et des pauvres, le fait qu'il y ait des classes, le fait... voilà. Donc, il faut vraiment présenter aux élections, c'est pour prendre le pouls des forces en présence, pour voir qu'est-ce qu'il y a autour de nous, pour réfléchir à une possible alternative à ce qui se passe dans la commune. Et donc, c'est de développer des assemblées décisionnelles qui vont remplacer un jour... les institutions de l'État, c'est-à-dire créer nos propres auto-institutions. Quand je parle d'auto-institutions, ce sont des institutions qui ne sont pas rigides, ce sont des institutions souples, qu'on peut remettre en cause constamment. Hein, voilà. Donc, elles sont en tension, ces institutions de peuple sont en tension avec celles de l'État. Et petit à petit, si on arrive à développer ça sur tout un territoire, sur toute une région, sur tout un pays, sur tout un continent, on va pouvoir structurer, grâce à la Confédération, des institutions stables et intéressantes, dans ce sens qu'on va pouvoir échanger entre les territoires différents, enfin, entre des écosystèmes aussi différents, entre des biorégions différentes. Et c'est pour ça que, pour lui, la technologie, c'est aussi une des choses fondamentales qu'il critique férocement dans son utilisation actuelle. Mais il pense que la technologie reste quand même le squelette d'une société, dans ce sens où elle va permettre les échanges, dans ce sens où elle va permettre aussi de libérer du temps pour se dédier à la démocratie, pour se dédier... aux questions culturelles, pour se dédier à développer nos facultés spécifiquement humaines et créatives. C'est dans ce sens. Et lui, comme travailleur dans l'industrie, il sait très bien ce que ça veut dire, tout ça. Il sait qu'actuellement, on est le prolongement des machines. C'est les machines qui nous dominent. Mais avant les machines, il y a quelqu'un. C'est-à-dire, c'est toutes ces structures capitalistes qui nous dominent à travers les machines. Mais c'est un instrument d'avilissement actuellement. Mais elle pourrait être un instrument libérateur. Parce que si les Grecs ont réussi à développer une démocratie directe, c'est parce qu'il y avait des gens qui travaillaient pour eux. Il y avait des esclaves. Donc ils ont pu avoir du temps pour développer la philosophie, pour développer les arts, pour développer le politique dans son sens de démocratie directe. Mais si on n'a pas de temps pour le faire, on va courir après nos nécessités basiques. Et à ce moment-là, on est dans une impasse. On retourne dans une impasse. Voilà un peu un parcours rapide des propositions de Murray Bookchin, de l'écologie sociale et du communalisme. Je ne veux pas m'étendre plus longtemps pour vous laisser la parole et puis qu'on puisse échanger, en fait, parce que c'est vraiment ça qui enrichit nos réflexions. Voilà. Une question. Alors, bonjour. Donc, j'ai une question par rapport à la critique de la domination de Bookchin. Est-ce qu'il a aussi critiqué la domination d'espèces ? Parce qu'il me semble que la critique antispéciste n'est pas présente dans sa... Oui, oui, ça revient. Voilà, et quand on voit à quel point l'exploitation animale est un des piliers du capitalisme, moi je viens du Brésil et je vois à quel point, par exemple, là-bas, c'est l'exploitation animale qui domine, en fait, c'est le lobby le plus puissant dans le gouvernement. Je me demande pourquoi, à ton avis, qui a lu son œuvre, pourquoi cette critique a été omise, n'a pas été mentionnée. Tu parles de Bookchin par rapport à, oui. À l'exploitation animale. À l'exploitation animale. La domination de l'humain sur le non-humain. Bien sûr qu'il en parle, Bookchin. Bien sûr. Je veux dire, quand tu lis le naturalisme dialectique, c'est très intéressant de voir comment il se considère comme un animal, comme nous, on est une espèce animale nous-mêmes. Je veux dire, il n'y a pas de raison d'infliger de la souffrance et de l'exploitation aux animaux. Je veux dire, ça, c'est complètement anti-éthique. Je veux dire, ça ne rentre pas dans la lecture du monde vivant par Bookchin. C'est-à-dire que c'est clair, quoi, que, par exemple, on sait très bien que, apparemment, tout le plan d'extermination des Juifs et les camps d'extermination ont été copiés directement sur les abattoirs et toute cette industrie de. De la tuerie quoi, des animaux parce que c'était rationnel, c'est la rationalisation qui a été développée, le rationalisme développé par le capitalisme. C'est clair que là, il y a une critique énorme à faire par rapport à tout ça. Évidemment, peut-être Bookchin n'a pas développé, mais en fait, quand tu lis la philosophie, tu te rends compte à quel point Murray Bookchin est sensible par rapport au vivant, au reste du vivant, donc des autres êtres et des mammifères, quoi, évidemment. Ça, c'est. Je veux dire, c'est clair, quoi, je veux dire, là-dessus. Mais ça reste toujours à développer. Hein. Je veux dire, Murray Bookchin, c'est pas non plus... ça y est, on arrête là, quoi. Je veux dire, moi, justement, la seconde partie de mon livre, je m'attelle à contextualiser un peu plus et partir de ce qu'il existe actuellement, des mouvements de libération de tout type, et pour essayer de faire en sorte, justement, qu'on puisse, en partant de là... fédérer grâce aux politiques tous les mouvements sociaux, commencer par là, puisque c'est ce qui existe. Donc on peut développer, dans le dissensus, parce qu'on ne sera pas tous d'accord, mais cette obligation de sortir du capitalisme, c'est fondamental. Donc est-ce qu'on parle de convergence de lutte ? Mais convergence de lutte, pourquoi ? Si on prend un objectif, c'est comme si on est en vélo et on tourne en rond. Or, il faut qu'on ait un objectif, nous, comme mouvement social, qui voulons dépasser cette organisation criminelle, à quelque part. Quoi. C'est vraiment ça. Quoi. Mais on est dedans, nous-mêmes. On est dedans, nous-mêmes. C'est pour ça que, dans nos comportements même, on continue à soutenir ce système. Donc, il y a une remise en cause profonde. Là, je ne veux pas, développer tout, parce qu'il y en a pour 3 heures. Mais je veux dire, c'est vrai que toutes ces considérations doivent être approfondies, doivent être développées encore, mais dans ce sens, de jamais oublier que vraiment le but, c'est vraiment de sortir du capitalisme, donc de sortir de la domination, c'est clair. Ah, on n'entend pas très bien. Ah voilà. C'est... Ah, voilà. Oui, moi j'avais une question par rapport à la politique intercommunale, parce que du coup, vous avez parlé du fait que ce serait structuré en plusieurs communes, avec du coup une commune... Désolé. Oui, du coup, par rapport à la politique intercommunale, du coup, l'idée qu'il y aurait une commune des communes. Et du coup, voilà, je me posais la question parce que du coup, j'ai l'impression que Bookchin, du coup, fait une critique des gouvernements représentatifs oui, et de la représentation en général, quoi. Et je trouvais marrant, du coup, l'idée de décider quand même de faire une commune des communes qui, du coup, fonctionnerait comment sans la représentation, en fait. C'est ça aussi ma question, du coup, c'est est-ce que, du coup, quand ils pensent la commune des communes, ils le pensent par le biais de la représentation ? Et du coup, est-ce que c'est une critique du gouvernement représentatif ou de la représentation en elle-même ? C'est une question importante. En fait, lorsque Murray Bookchin fait ses propositions, il se base sur en fait, ce que c'est que la démocratie directe en Grèce. C'est-à-dire qu'en Grèce, il n'y avait pas de représentants dans la démocratie directe. Je ne dis pas que c'est un modèle. Hein. Il n'y a pas de modèle. En fait, c'est à nous d'inventer quelque chose, mais en tenant compte de ce qui s'est déjà fait antérieurement. Lorsque, par exemple, il était pris une décision, la décision est prise par une assemblée. Lorsque la décision est prise par une assemblée, eh bien, il y a quelqu'un qui est comme chez les sapatistes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de représentant. C'est quelqu'un qui est désigné, quelqu'un ou un groupe de personnes qui est désigné pour accomplir la tâche qui a été décidée par l'Assemblée, et ces personnes doivent rendre compte à l'Assemblée de ce qu'ils font pour quelque chose de précis. Ce n'est pas un mandat pour quelques années, ce n'est pas une délégation, c'est un mandat impératif et révocable à tout moment. Si ces personnes, bon, au temps des Grecs, c'était si ces personnes n'accomplissent pas et font quelque chose d'entourloupette, ils sont exécutés. On n'en est pas là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très exigeant. Je veux dire, lorsque les sapatistes parlent, on a un cargo. Un cargo en espagnol, c'est une charge. On a une charge, c'est-à-dire qu'on a un mandat impératif. Et ils le font. Et ça tourne, ce n'est pas toujours les mêmes. Ce qui fait que, petit à petit, eh bien, tout le monde... c'est une école, en fait. L'agora, l'assemblée, c'est une école où on apprend à respecter les autres, à décider ensemble, à faire ce qu'on nous demande de faire. Voilà. C'est un objectif précis. Ouais. C'était pour savoir bah, concrètement, bah, là, si on devait se mettre en chemin pour arriver vers cet objectif-là de communalisme, quelles seraient les différentes étapes ? C'est-à-dire que à Toulouse, j'avais essayé de lancer des assemblées populaires par quartier, bah, justement pour arriver à ce genre d'objectif-là. Mais ça, bon, ça s'est fait il y a quelques mois et c'était vers le début de l'été, donc c'était un peu compliqué. Et comment en fait on arrive à infuser cette culture-là de la non-domination, bref, tout ça pour faire vite, de l'écologie sociale, tout ça ou autre. Et donc ça a été un premier essai, mais ça n'a pas bien marché. Et enfin, ça n'a pas été mobilisateur, je dirais. Et par quels moyens, en fait, on peut développer ça ? Ben, vu l'urgence, j'ai l'impression qu'il faut qu'on se dépêche un peu. Enfin y a, ben, l'urgence toujours actuelle ben, du système, quoi. Et est-ce que, du coup, voilà, quels sont les types d'actions ? Personnellement, je pense à... Bah, par exemple, à essayer d'aller squatter des hameaux vides, des villages qui sont bah, à l'abandon, essayer de récupérer des endroits inoccupés par le capital ou tout ça, et ensuite bah, de se fédérer. Voilà. Oui, je pense que là, il y a une question qui est vaste et qui est large. Mais c'est vrai que c'est une question fondamentale, quoi. Je veux dire, moi, ce que j'ai essayé dans le livre, justement, dans mon livre, là, j'y suis ici et maintenant, et, ce que j'ai proposé, c'est de se baser, parce qu'on ne peut pas séparer le politique du social. Moi, je pense que si on n'a pas de résultats sociaux assez immédiatement, après avoir mis des structures politiques en place, on ne va pas avancer, parce que la plupart des gens se fient à ce qui aux résultats et non pas aux théories. C'est beau les théories, mais voilà, il faut bien vivre, il faut vivre autrement, et il faut qu'en plus ça soit plus intéressant de vivre dans ce qu'on propose nous que dans l'autre société, parce que si c'est pour ramer, il n'y a personne qui va venir. Donc voilà. Donc moi je pars des mouvements sociaux et je dis Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans une ville, par exemple, on va prendre des mouvements sociaux, je sais pas, un mouvement féministe, des syndicats. Syndicats, je parle des syndicats combatifs, hein, je ne parle pas des syndicats déjà installés, ou alors des gilets jaunes, par exemple, ou, je sais pas, on va prendre d'autres mouvements, par exemple, des AMAP, des mouvements d'AMAP, des mouvements qui sont dans l'alternative et des mouvements qui sont dans la lutte. On va essayer de proposer une feuille de route, de travailler ensemble pour dire, voilà, on va coordonner nos actions et on va le mener sur le champ du politique. C'est-à-dire, vous, en tant qu'acteurs sociaux, vous allez vous représenter vous-même au niveau du politique. C'est-à-dire qu'on va prendre des décisions ensemble pour se rendre visibles les uns et les autres. On va s'appuyer dans notre démarche de nous rendre visibles, de poser les vrais problèmes qui sont à poser. Donc, à partir de ce moment-là, on commence déjà à partir sur des bases solides. Donc, comment on va développer l'alimentaire ? L'alimentaire, c'est quelque chose qui me semble stratégiquement important à développer. Bon, ben voilà, comment on va faire pour faire en sorte de ne plus passer par les supermarchés, de faire en sorte qu'on participe aux travaux de l'agriculteur, qu'on connaisse, nous, habitants de la ville, qu'on connaisse la vie des agriculteurs. Bon, toutes ces choses-là, ça crée du lien. Petit à petit, on va pas du jour au lendemain. C'est une construction, il y a une urgence. Mais justement, l'urgence, c'est qu'il faut aller doucement. Parce que si on va très vite, on retombe dans les travers déjà qu'on a... On s'est déjà fourvoyé plein de fois. Il faut en prendre quand même un petit peu du grain, quoi, de ça, de ce qui s'est passé avant. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive, en même temps, développer des coopératives, mais pas se perdre non plus dans le fait de faire des alternatives qui soient des alternatives pour l'alternative. Parce que si on n'a pas d'objectif, on n'a pas une ligne directrice, et le capitalisme récupère tout ça. Le bio a été récupéré, les AMAP ont été récupérés par la ruche qui dit oui, par exemple. Je suis bien placé, je travaille avec. Je me rends compte que tout est dans ce... Enfin, on fournit des armes, en fait. Le capitalisme se nourrit de toutes les initiatives qui sont là pour essayer de développer un marché, encore un marché. Donc, c'est pour ça qu'on doit toujours avoir en tête cette idée de sortir du capitalisme. Donc, je pense qu'on peut construire quelque chose à partir de là. Mais penser que si on va à la campagne, on va représenter une force sociale, je pense que là, on est vite détruit. Je pense qu'il faut vraiment penser les choses en termes d'affrontement et en même temps d'alternative. C'est-à-dire qu'on est face à un ennemi, c'est clair. C'est-à-dire les gens ne vont pas nous laisser à un moment donné. Mais il faut établir un rapport de force. On ne peut plus partir comme ça, se battre comme ça contre les forces armées et puis on va se faire descendre. Non, O'Callaghan le dit. Pourtant, O'Callaghan, il est vraiment dans la... Il a une expérience de ce que c'est que la lutte armée. Il se dit la première autodéfense, ce ne sont pas les armes. La première autodéfense, c'est l'organisation. Fondamentale. C'est vraiment parce que là, se créent des liens d'entraide, de solidarité, de fraternité même, d'empathie entre les gens. Parce que c'est les émotions qui vont développer tout ça. C'est dans l'action qu'on développe les émotions qui vont nous permettre de se considérer l'un l'autre, d'avoir confiance aussi. Voilà, je pense qu'il faut vraiment partir de là. Dans le livre, je dis qu'il faut proposer une charte et créer un mouvement, ne pas le faire seulement dans un lieu précis, parce que là, on est coulé aussi. Il faut créer un mouvement. Parce que je prends l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. S'il y avait eu à ce moment-là un mouvement, non seulement ici, ça a été exemplaire, je trouve que c'est vraiment formidable, c'est passé ici, mais si on avait eu tout un mouvement sur tout le territoire, à ce moment-là, le mouvement aurait appuyé, on serait peut-être allé plus loin dans les réalisations locales, mais aussi le retour était encore plus effectif dans le reste du mouvement. C'est-à-dire, c'est ça, là, cette souplesse à avoir entre l'organisation... Enfin, le lien, enfin, tout ça, quoi, pour avancer dans ce sens, de dire, regardez, on est capable. C'est important de savoir qu'on est capable de faire les choses, mais dans les faits, quoi. Pardon. Ah, pas plus près. Ah, d'accord. Plus près, plus doucement. Dans les associations citoyennes, on prend énormément de temps pour débattre et pour arriver à une position commune où on ne vote absolument plus, mais où la décision est prise par consensus. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les délibérations dans votre organisation ? Et d'autre part, c'était une association citoyenne pour se battre contre l'implantation d'un aéroport dans ma région. On s'est bien battu, on ne l'a pas eu. Mais après, quand on a récupéré les terres d'une base militaire, là, on s'est heurté à la grande communauté et ça n'a pas du tout suivi, quoi. Et malgré un projet écologique de développement durable, ça ne passe pas. Donc, comment, justement, ouais, par rapport à ce que tu disais, arriver à fédérer beaucoup, beaucoup de, ouais, personnes pour aller, ouais, dans notre sens. Ouais. Donc, si j'ai bien compris la première question, c'était le problème du consensus, c'est ça, non ? Comment arriver à un consensus ou est-ce que c'est nécessaire ? Bon, Bookchin l'explique très bien qu'en fait, le consensus, que ça permet, en fait, c'est une prise de pouvoir des plus insistants, des plus forts, qui finalement, le consensus finit par... la plupart des gens finissent par abdiquer, quoi. Et ça dépend aussi, après, l'extension de l'assemblée. Dans une petite assemblée, ça peut aller, quoi. C'est assez facile à contrôler. Bon, d'accord. Mais dans les grandes assemblées, il propose qu'il y ait effectivement la loi de majorité. Pas une majorité à une voix, une majorité écrasante, par exemple, qui puisse... Mais ce qui n'empêche pas qu'il faut tenir compte des personnes qui sont en désaccord. Toujours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire... On n'est pas un rouleau compresseur. C'est-à-dire qu'on n'écrase pas les autres. C'est ça. Aussi, ça rentre dans une éthique. C'est-à-dire toujours le respect des autres dans ce sens où peut-être que c'est nous qui se trompons. Peut-être on se trompe. Nous, on a la majorité, mais peut-être on se trompe. Et donc, c'est un travail de des minorités de dire, de faire en sorte de faire un travail encore supplémentaire, de travailler un peu plus dans la nécessité d'exposer leurs idées, de dire, c'est vraiment des idées, nos idées sont vraiment les meilleures parce que je vais vous le démontrer qu'elles sont meilleures. Voilà. Donc c'est tout un travail dialectique qui se fait à l'intérieur de l'assemblée, quoi, par rapport. Enfin, je parle des assemblées assez conséquentes, quoi. Maintenant, par rapport à ce que tu disais, évidemment, voilà, ça c'est un exemple. Moi, j'en ai un autre exemple qui va dans ce même sens de ce qui s'est passé ici un peu. Hein. C'est pas du tout le même contexte. C'est Marina Leda, par exemple. En Espagne, on a eu Marina Leda. En Andalousie, c'est un village qui a été, si tu veux, occupé et pendant très longtemps mis comme modèle d'une réalisation autogestionnaire, alternative, communiste, tout ce qu'on veut. Et bon, maintenant, on voit le résultat. En fait, il n'y a plus grand-chose. Hein. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est ça qui est intéressant d'analyser. Moi, je ne rentre pas... J'essaie pas de fustiger ceux qui ont échoué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels sont les mécanismes qui ont empêché de développer quelque chose. Alors, Marina Leda, je prends cet exemple parce que pour moi, il est édifiant. Ça fait partie de tout un mouvement, ce qu'on appelle les jornaleros, c'est-à-dire des gens qui sont en lutte contre les possesseurs de terres, terratenientes, et déjà juste avant la mort de Franco, et qui s'étend très rapidement. C'est des travailleurs sans terre qui essayent de revendiquer des terres qui sont aux mains des grands possesseurs de terres, quoi. Voilà. Donc, il crée un mouvement de sympathie dans le monde, non seulement en Espagne, mais dans le monde entier. Et il se propose... Donc là, il y a des courants différents idéologiques. Hein, il y a des anarchistes, des communistes et des gens de la théologie de la libération. Cependant, le SOC, Sindicato Obrero del Campo, des ouvriers des champs, eh bien, fonctionne en autogestion. Ce mouvement soulève énormément de passion. C'était un mouvement pour toute l'Andalousie. Ça part de Séville, mais ça va jusque l'autre côté de l'Andalousie, quoi. Mais il se trouve qu'en 79, il y a les premières élections municipales. Et là, ils ne savent plus comment faire, parce qu'ils disent, bon, on ne va pas laisser l'occasion. On ne va pas laisser ça aux mains de toujours des mêmes. Donc, on vote, on crée un parti. Ça s'appelle le COUT. Me rappelle plus exactement, centrale unitaire des travailleurs, je crois que ça veut dire. Bon, le fait est que petit à petit, ils font des alliances avec la gauche unie, et ils se font phagocyter quelque part. Ils gagnent des élections municipales, ils ont des élus, et finalement, ces élus, ben, s'ils veulent garder leur place, ben, il faut qu'ils continuent à se comporter comme ceux d'avant. Donc, rechute, c'est-à-dire qu'il y avait plein de ça avait fait des avancées énormes, et petit à petit, ils perdent. Seule Marina Leda reste en place. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à occuper une terre d'un marquis vraiment très important, et ils sont majoritaires, largement majoritaires, donc ils gardent le contrôle de Marina Leda. Seulement, là, il y a deux structures de pouvoir, c'est l'Assemblée générale et le maire. Et lorsque le maire n'est pas là, l'Assemblée ne peut pas prendre de décision. Et petit à petit, on étudie pourquoi. Et là, j'ai participé là, à une vidéo, et là, une femme qui intervient et qui raconte exactement très bien. Elle dit, tu vois, on était en manque, là, on n'avait pas d'outils, on ne savait pas quoi faire. Et là, c'est là notre problème, c'est qu'on ne savait pas quoi faire. Quoi. Donc, on s'est fait avoir par les institutions de l'État. Et petit à petit, le maire est devenu député, malgré le fait que il a fallu 4 assemblées pour que le maire puisse passer à être député. Et une fois qu'il était député, parce que lui, c'est ça qu'il visait, il avait de l'argent. Donc, il a fait des logements sociaux. Lui, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. C'est le pouvoir. Il a fait plus de 44 ans qu'il est là. Il est encore maire. Il est moitié hémiplégique, mais il continue. Et il y avait des jeunes qui s'étaient présentés lors des dernières élections municipales. Ils sont allés vers eux. Ils leur ont dit, on vous casse la gueule si vous continuez comme ça. Donc, voyez-vous comment ça peut dégénérer. Et là, il n'y a pas de jeunes qui s'intéressent à ce qui se passe. Il n'y a pas de jeunes. Pourquoi ? Parce que c'est isolé. C'est un fait isolé. On va parler, je peux vous citer ici en France des lieux comme ça, comme Vondancourt et d'autres, où il y a eu des essais d'autogestion municipale. Et ça ne fonctionne pas au bout d'un moment, parce que les jeunes ne sentent plus qu'il n'y a pas un mouvement. En Espagne, voyez-vous, lorsqu'il y avait le mouvement anarchiste en Espagne qui était si puissant, eh bien, tout le monde avait des références, les mêmes références. On s'appelait à peu près Floréal, Germinal, voilà, Liberto. On avait une culture, voyez, propre, qui était nôtre, celle du mouvement, même si tout le monde n'était pas d'accord. D'accord, mais il y avait quelque chose, un lien de solidarité, un lien qui contemplait non seulement le local, mais le territorial. Il y avait aussi le national et l'international. Voilà, c'est ça qui donne un sens à ce que l'on fait. Donc je pense que ça, c'est important de développer un mouvement. C'est ça que je reviens là-dessus tout le temps. Je pense que c'est important. Et partir des choses concrètes. Là, justement, dernièrement, on a créé un institut d'écologie sociale. Et dans cet institut d'écologie sociale, il y a des questions qui ont été, un questionnaire qui a été écrit pour, à partir des propositions du livre, développer des choses concrètes et le lien tout de suite. Tout de suite le lien, quoi. Parce qu'on fait partie d'une projection, d'un projet. On a un projet. Tout ce qui se fait doit avoir un projet. Sinon, il faut être ambitieux dans nos prétentions. Collectives, pas personnelles. Du coup, j'ai une question sur un aspect du communalisme qui me semble important. C'est la place de la justice, du judiciaire et de la sanction. Bookchin avait-il des idées anticarcérales ? Comment envisage-t-il la sanction dans le système communaliste ? Et comment rendre justice dans un tel système ? Et aussi, comment construire des services publics de qualité dans un tel système ? Service public, ouais. Je peux commencer par la seconde, peut-être. La première est un peu plus épineuse, hein, parce que c'est vrai que, en fait, je commence par la première. Je n'ai pas beaucoup de réponses, mais en fait, je peux voir que font, par exemple, le Rojava. On a un exemple concret, et même les zapatistes. Hein, il ne faut pas oublier que les zapatistes, par leur situation géographique et par les conditions qu'ils ont là-bas, ils ont pu avancer plus loin encore qu'au Rojava parce qu'ils n'ont pas ces tensions et ces affrontements terribles quoi, qu'ils ont eus. C'est plus facile à voir comment ils fonctionnent. Jérôme Bachet a écrit des choses très intéressantes à ce sujet. Et on voit en fait que le système carcéral est totalement différent. Il n'y a pas de police là-bas. Hein, ce sont les gens eux-mêmes qui voient comment il se passe. Évidemment, il y a des sanctions. C'est pas surtout des sanctions, c'est isoler les personnes qui sont dangereuses pour la communauté. C'est surtout ça, au Rojava. Moi, je vais raconter ce qu'on m'a raconté, parce que bon, moi, je ne suis pas allé directement, mais j'ai des amis qui sont allés là-bas. Ils me racontent comment ils font prisonnier deux du Daesh, trois, je crois qu'ils étaient du Daesh, ils les mettent en prison. Et lorsqu'ils les mettent en prison, tout de suite, ils commencent le dialogue avec eux. Et petit à petit, les gens du Daesh se rendent compte qu'en fait, il y a autre chose, il y a une autre attitude là, quoi. Et du coup, ces gens du Daesh vont, ils retournent chez leurs anciens amis, ils reviennent avec d'autres amis pour dire, voilà, on est avec vous maintenant, quoi. C'est assez formidable de voir comment on conçoit les choses d'une façon différente. Maintenant, au niveau militant, ils sont très durs. D'ailleurs, par exemple, ce qu'on appelle l'autocritique, bon, il y a un côté peut-être encore maoïste, ils ne sont pas tout à fait tous gagnés non plus aux thèses de Bookchin, mais n'empêche que l'autocritique, c'est quelque chose dans un groupe militant, l'autocritique, quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'ils considèrent la critique des autres comme étant quelque chose de bénéfique. Et ils remercient les gens qui leur font des critiques. Ça, c'est, je trouve que c'est important parce qu'ils considèrent qu'attaquer le capitalisme, c'est attaquer l'ennemi, c'est 90% il est en nous, quoi. Et 10% il est dehors. Ça, c'est vraiment incroyable, hein, on n'arrive pas à concevoir ça. Mais nous, on est un agent du capitalisme. On est agent du capitalisme. Je dis ça parce que en 1880, lorsqu'en Espagne circule un tract qui dit « Ne soyez pas esclaves, ne soyez pas salariés, ne soyez pas esclaves ». Maintenant, on ne peut pas le dire. Parce qu'ils avaient une réserve, ils avaient un monde parallèle autogéré qui était en tension avec le monde capitaliste. Donc, ils avaient une certaine réserve. Ils avaient des réserves, ils avaient des fonctions, des façons de fonctionner qui étaient encore des fonctions, enfin, des façons de fonctionner des paysans de l'époque, avec beaucoup d'inventivité, beaucoup de réactivité. Ben, là, je pense que là aussi, on a un travail à faire à ce niveau-là, déjà maintenant, quoi. Je veux dire, la justice, c'est le résultat aussi, enfin, la justice, pardon, avec un majuscule, c'est aussi le résultat des injustices sociales. On voit bien que la plupart des choses qui se font, c'est parce qu'il y a une injustice à quelque part, et c'est des gens qui sont blessés, des gens blessés, profondément blessés. Et nous-mêmes, on est blessés. Quand je vois dans les milieux militants les gens qui cherchent à briller à tout prix, alors que qu'est-ce que ça représente, ça, que c'est ridicule, quoi. Je veux dire, c'est pas l'important. L'important, c'est d'avoir la capacité de se donner aux autres. C'est ça qui nous rend heureux, en fait, parce qu'on est reconnu à ce moment-là. Mais tout ça, c'est un travail sur soi, quoi. Et c'est un travail qui se fait non pas avec un coach, mais entre nous-mêmes, quoi. Je veux dire, c'est ça. Et lorsque tu parlais tout à l'heure des services publics, ouais, ça, c'est intéressant parce que une fois, j'étais confronté à cette question. Ouais, mais bon, alors, quand même, la retraite, quand même, c'est l'État qui te la procure. Quand même bien, hein, ouais, sans l'État, comment tu fais pour la retraite et tout ça? Alors bon, après, j'ai réfléchi un peu. Et je me suis dit, en fait, ce qu'on appelle service public, ce ne sont pas des services publics, c'est les services de l'entreprise qui s'appelle État. Ce n'est pas la nôtre. Si c'était un service public, ça serait les nôtres, mais ce n'est pas les nôtres, c'est ceux de l'État. Or, on pense, on a tendance, surtout en France, que l'État est tellement centralisé, il a tellement de fonctions, que l'État, c'est l'État qui nous fournit ces avantages. Or, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la carotte et le bâton. Ça nous permet de continuer à vivre, ça permet de reproduction, la reproduction sociale. Mais c'est pas ça, vraiment. Dans les communautés zapatistes, il n'y a pas de retraite et il n'y a aucune personne qui va se plaindre qu'elle n'a pas à manger. C'est impossible. Alors que là, on voit aller dans n'importe quelle ville, on voit des gens par terre, couchés dehors. C'est honteux, quoi. Enfin, je trouve ça le reflet même de cette société insolidaire. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe avec les subventions? Qu'est-ce qui se passe avec l'aide sociale? En fait, c'est de l'argent qui a été gagné par l'exploitation d'autres personnes. Le but de cette société, le but de toute activité humaine actuellement, ce n'est pas les besoins d'usage. Hein, c'est la valeur monétaire. C'est-à-dire, comment avec un euro, je vais en faire 10? C'est ça la religion qui nous traverse tous et toutes. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, pour avoir de l'argent, pour avoir cette monnaie, cette monétarisation, on va vendre n'importe quoi, même quelque chose qui n'existe pas. C'est ça la finance, vendre ce qui n'existe pas. Donc c'est basé sur un système marchand. Donc, accepter ça, il faut bien savoir, c'est accepter quelque chose qui ne nous appartient pas. Voilà. C'est ça que je voulais dire, c'est que c'est comme le travail, il faut remettre en cause le travail. Parce que le travail, c'est pour de l'abstraction qu'on travaille. C'est pour de la monnaie. Ce n'est pas pour nos besoins à nous. C'est pour les monnaies, pour les besoins de la banque et le besoin de tout le trafic qu'il y a tout autour. Quoi. Voilà, c'est pour ça que la critique des éléments fondamentaux du capitalisme est nécessaire. C'est ce que font d'ailleurs les gens de la critique de la valeur. La critique de la valeur, ce sont donc des gens qui se réfèrent à Marx pour faire la critique radicale. C'est-à-dire radicale, ça veut dire à la racine, non pas à violence, comme on nous le fait croire tout le temps. Radical, c'est prendre les choses à leur racine. Donc on commence à voir qu'il faut vraiment changer tous les éléments de notre société. Quoi. On ne peut pas changer seulement un, il faut les changer tous. Mais il faut y aller petit à petit, évidemment. Il faut être capable de le faire. Voilà. Tu as parlé tout à l'heure de la technologie comme squelette de la société. Voilà, ma question a porté là-dessus, en fait. Comment envisage Bookchin l'utilisation intelligente des outils technologiques au sein des communes? Est-ce que c'est quelque chose qui s'oriente comme les projets qu'il y a pu y avoir de The Venus Project ou des Tsaigas Project, où c'est des cités résilientes qui sont basées sur la technologie et ça permet aux habitants des communes de développer la pensée politique, écologique et sociale? Est-ce que ça s'inscrit là-dedans ou alors est-ce qu'il y a des pistes différentes? Oui, je ne connais pas bien ces travaux-là, mais tu me l'indiqueras, ça m'intéresse de savoir. Non, en fait, moi, ce que je vois intéressant, c'est souvent on dit Bookchin, c'est un technophile. Non, ce n'est pas un technophile, mais ce n'est pas un technophobe non plus, dans ce sens de Jacques Ellul qui disait que le malheur était dans la technologie. Lui, par exemple, il reprend beaucoup les travaux de Munford sur la technologie. Je pense qu'ils sont vraiment très intéressants. Par exemple, lorsqu'il remet en question le fait que l'on voit la technologie qu'à travers les instruments qu'on utilise, alors que la technologie sociale n'est souvent pas remise en cause. Je parle de technologie sociale, c'est par exemple une structure étatique. Une structure étatique, c'est une technique fondamentale. C'est celle qui a permis l'éclosion de toutes les autres techniques. Si on reprend l'histoire de la technique, on voit qu'elle se développe en fonction des besoins d'une société qui cherche à se reproduire grâce à la technique qu'elle met en place. Par exemple, quand je prends la vapeur. Non, la machine à vapeur, c'est le capitalisme. Oui, c'est vrai, c'est le capitalisme qui l'a mis en place et qui l'a usé à fond. Mais les Grecs connaissaient déjà la vapeur comme force motrice. Ils l'utilisaient pour ouvrir la porte des temples. Comme quoi, la technologie elle-même ne conduit pas à ce que l'on voit actuellement. Et une technologie n'est pas forcément oppressive. Lui, par exemple, quand il écrit dans les années 70 vers une technologie libératrice, il donne des exemples de ce que pourrait être une technologie. Par exemple, quand il parle de four pour fondre du fer, on a toujours en tête ces grandes usines où on voit d'énormes chaudrons là, qui sont en train de fondre du fer. Mais lui prend l'exemple, à cette époque, dans les 70, il y avait beaucoup de gens qui développaient des écologies, des technologies alternatives, comme les technologies éoliennes, le solaire. Eh bien, lui montrait qu'avec un petit four, pas plus haut que ça, on pouvait fondre. On pourrait faire du fer quoi, avec les minéraux, on pouvait obtenir quelque chose donc, avec l'énergie solaire. À cette époque, dans les années 70, je pense que maintenant, ça pourrait être encore plus efficient. Il parlait ça en fonction des besoins, par exemple, d'une communauté, quoi, d'être plus possible autonome par rapport à produire ses propres besoins, quoi, enfin, les nécessités, en fonction des nécessités. Voilà, donc la technologie, pour lui... Je prends l'exemple, la technologie informatique, je pense que tout n'est pas à rejeter. Je pense que là-dedans, il y a des utilisations qui peuvent être positives. Non pas dans la façon dont elle est actuellement, c'est un désastre. C'est notre avilissement total, quoi. Mais n'empêche que ça pourrait être pensé d'une autre façon. Plus en commun, plus un outil collectif qu'un outil individuel pour peut-être faire des liaisons entre les divers lieux pour établir une confédération qui tienne compte de tous les habitants de la Terre, par exemple. Alors, j'avais une question depuis longtemps, mais je raccroche avec ce qui vient d'être dit pour la technologie, pour commencer. Et donc, pour la technologie, il me semble que ce qu'il pense est tout à fait en accord avec ce que Simone Veil, la philosophe, a abondamment développé en disant que sur la question comment faire pour que le travail ne soit pas servile. Et donc, ce qui le rend servile, le travail, c'est bien sûr quand on a une commande automatique et qu'on ne sait pas pourquoi on le fait, qu'on ne sait pas comment se succèdent les gestes, etc. Elle a énormément développé ça. Donc, je pense que c'est exactement de ça qu'il s'agit. Hein, c'est tout à fait ça. Dans ce que c'est tu vrai, dis. Oui. Voilà. Donc, affaire à suivre, hein, pour voir le lien entre lui et elle, hein, et Simone Veil, hein, parce qu'il y a des liens certains dans leur humanisme à tous les deux. Hein. J'ai beaucoup travaillé sur Simone Veil, la philosophe. Voilà. La question, c'est par rapport à la première question qu'il y a eu sur son rapport avec les animaux. Ça vaut d'être un peu développé. Donc moi, j'ai bien travaillé le livre Écologie sociale qui est reparu récemment. Hein, et j'ai pris 6 pages de notes qui sont précisément en rapport avec cette question. Qu'est-ce que ça veut dire la nature et l'homme, hein. Et donc je pourrais faire des lectures éventuellement si ça se présente, hein, 10 minutes de lecture de certains passages éventuellement pour ceux que ça intéresse, mais je vais essayer de le résumer sans m'appuyer là-dessus. Il dit qu'il faut se mettre entre les deux extrêmes. Le premier, c'est l'homme est supérieur aux animaux, et patati et patata. Et le deux, je m'excuse de parler comme ça, mais c'est clair pour tout le monde, hein, l'erreur qu'il y a là-dedans. Et le deuxième, c'est de dire l'homme est comme les animaux. C'est aussi insensé l'un que l'autre. Donc, il développe beaucoup ce que ça veut dire d'être en dehors de ces deux grandes erreurs. Et il dit que, en fait, la nature, quand elle devient vivante, elle contient en elle-même un projet potentiel qui mènera ultimement vers la conscience de ce qu'on fait. L'homme est le seul dans la nature qui a conscience de ce qu'il fait. Ce qui ne veut pas dire que pour autant il est plus fort, il est meilleur, ça ne veut pas du tout dire ça. C'est chacun sa tâche. Hein. Et donc l'homme, il est responsable de profiter d'un pouvoir de rationalisation, d'abstractivation, d'organiser des institutions pour gérer la collectivité dans laquelle il habite. Il est responsable justement de ressentir en lui-même comment c'est pas lui seul qui va réussir à faire quoi que ce soit, c'est en trouvant les bonnes formes d'organisation et de collaboration avec les autres, et à l'aide de tout ce pouvoir d'organiser, d'inventer et de prévoir l'avenir, etc. C'est à l'aide de toutes ces facultés-là, à condition qu'il les gère lui-même, parce qu'elles ne sont pas naturellement actives, il doit lui-même les entretenir par amour du monde, par amour des autres, par amour de ce qu'il doit faire pour la collectivité à laquelle il fait partie, pas pour ses intérêts personnels. Hein. Et donc, en cela, il est responsable, justement, de se rendre compte de ce qui se fait avec la domination de la nature, des terres, des animaux. Il y a tous les règnes, hein, les règnes minérales, végétales, animales. Hein. Il est responsable, justement, de les réintégrer à la vie commune dans laquelle nous sommes. Donc, avec ses facultés propres. Donc, ça se comprend, hein, que c'est bien entre les deux erreurs, ce que je raconte. OK. Ça vous va? Ça suffit? Merci. Oui, merci. En tout cas, c'est vrai que Bookchin a écrit. Enfin, il y a un bouquin qui est sorti à l'échappée, dont les traducteurs n'ont malheureusement pas pu venir et qui ont participé à la traduction de plusieurs articles de Bookchin. Et le livre est publié à l'échappée. Il s'appelle Pouvoir de détruire, pouvoir de créer. Et c'est vraiment dans ce que tu dis, quoi, il y a pas mal de choses tout autour de ça, quoi. C'est un bouquin qui est paru il y a 6 mois environ, Pouvoir de créer, pouvoir de détruire à l'échappée, donc de Murray Bookchin. En fait, oui. Ouais. Enfin, je ne veux pas repartir là-dessus parce qu'il y en a pour. À moins qu'il y ait des questions posées. Mais... Oui, une question. Bonjour. Dans ce que vous avez décrit sur l'écologie sociale et le communautarisme libertaire, à mon sens, c'est une utopie très belle qui devrait pouvoir se mettre en place. Du coup, ma question est très simple. C'est quels sont les freins aujourd'hui à la mise en place de cet idéal, sachant qu'on n'est pas les premiers à y réfléchir. Ça fait pas mal d'années que c'est développé. On pourrait dire que, en effet, comme vous l'avez soulevé, le monstre auquel on s'attaque, c'est le capitalisme. Je pense qu'il y a aussi un package culturel. Pardon. un package culturel qui nous incite pas forcément à établir dans notre enfance ces mécanismes de décision qui nous amèneraient vers cet idéal. On pourrait dire qu'il y a l'éducation. Moi, j'aimerais savoir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ces freins, pour réussir plus facilement à mettre en place cet idéal. Ouais, en parlant d'une utopie, c'est une utopie qui essaye justement d'être assez pragmatique quand même. C'est la seule utopie actuellement que je vois où je vois un projet quand même assez tangible, quoi. Par les actions qui se font actuellement, non pas dire c'est utopique, on va faire comme ça, on va faire comme ci. Non, il y a vraiment déjà des germes qui sont en place. Mais il faut les réveiller, il faut qu'on justement, c'est le lien qui va donner une consistance, qui va permettre à ce germe de faire se développer ce mouvement. Et c'est justement dans mes propositions, je pense que c'est des propositions qui vont de plus en plus dans le domaine du pratique, en partant du social, c'est-à-dire que ce qu'il y a actuellement, et c'est pas tellement le politique qui est développé, c'est surtout le social. Il y a des exemples, hein, par exemple, à côté de Commercy, il y a une commune entière qui a été gagnée au communalisme. Disons que c'est l'Assemblée générale qui décide. Mais à mon avis, elle est vouée à disparaître comme d'autres l'ont fait si on ne crée pas un mouvement intégrant d'autres notions. Parce que c'est ça qui va donner la force. Par exemple, je parlais de l'exemple de Nancy. Donc, il y a des gens qui font partie d'une association qui s'appelle Quartier Libre. Ils veulent acheter un bâtiment de 400 000 euros et veulent faire un budget le plus large possible, tout le monde puisse participer le plus possible. Et ils veulent mettre, je ne me rappelle plus le terme exact de cette association, c'est un fonds, je crois qu'il a été mis en place ici sur la ZAD aussi. Un fonds de dotation. Voilà. Donc, c'est pour essayer de le mettre hors spéculation et à partir de là, donc le connecter avec d'autres, de faire un réseau avec d'autres réalisations de ce genre, tout en se réclamant d'un projet politique, c'est celui du communalisme. Donc, à partir de ce moment-là, on commence à créer des liens qui partent du social, mais qui vont déboucher sur, à un moment donné, sur la question du politique. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de Nancy ? Ils sont à Nancy. Mais qu'est-ce qu'on fait au niveau d'un autre lieu ? Mais en partant de des réalisations concrètes, moi, pour moi, c'est plus parlant. Pour moi, ça touche terre, quoi. Parce que si on part du politique, seulement du politique, j'ai peur qu'on reste un peu à court d'éléments pour pouvoir avancer. Mais bon, il faut faire des expériences, hein. Mais à partir du moment où c'est relié avec d'autres. Sinon, on va recommencer les mêmes choses. On a beau mettre un beau nom sur quelque chose et avoir des belles pratiques, mais si ce n'est pas relié dans un mouvement, je pense que c'est voué à disparaître. Quoi. Ça marche ? Ouais, nickel. Ça marche pour Bonjour. Beaucoup de sympathie pour les idées de communalisme libertaire. Néanmoins, j'aimerais bosser poser quelques limites que je pense percevoir dans cette idée. Quid, en fait, dans ce système que vous présentez, de production nationale. On avait parlé de service public avec un monsieur qui était par là. Merci, monsieur. Par exemple, des technologies de pointe, que ce soit pour la santé, l'armée ou l'énergie. Et autre question d'ailleurs pour l'énergie. Vous avez parlé des éoliennes comme une énergie non polluante. Du coup, j'aimerais préciser que ce n'est pas du tout non polluant. Il y a bien sûr une extraction, une production. Donc c'est aussi des points qui méritent précision peut-être. Ouais. D'accord, oui, tu as bien fait, ouais, bien sûr. Moi, je suis. Tu as fini, en fait ? Ouais, ouais, c'est bon. Non, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, actuellement, ce qu'on appelle technologie ou énergie douce ou technologie, c'est du pipeau, quoi. Je veux dire, tu parles de la Masada, par exemple, c'est quand même un exemple frappant d'un lieu, d'une ZAD qui essaye de faire en sorte de freiner les éoliennes parce que c'est un désastre, quoi. Un désastre. Au niveau du béton, déjà, au niveau de la production du courant dont on a besoin ou on n'a pas besoin, en fait, c'est en fonction des besoins, justement, qu'il faut réfléchir et après adapter aux besoins, vraiment, et réfléchir sur l'impact que ça peut avoir. Est-ce qu'il y a réflexion par rapport à l'impact ? C'est purement formel, quoi, je veux dire. Actuellement, ça ne veut rien dire. Tout cela se tient dans un ensemble. Tout seul, ça ne veut rien dire. Les énergies éoliennes actuellement, qui étaient des énergies soi-disant alternatives dans les années 70, ont été récupérées au profit des multinationales pour polluer davantage. Non pas pour dire on va supprimer, par exemple, l'énergie atomique. Non, pas du tout. C'est vraiment dans une optique tout à fait productiviste, donc absolument pas. Je n'ai pas l'impression que j'ai parlé de production nationale. Enfin, je sais pas, vous entendez parler ça ? Non, je dis que, quand on parle d'une production, par exemple, qui peut être au niveau local, elle peut être envisagée au niveau de deux locaux, de deux endroits, de deux municipalités. Je parle, les municipalités non plus n'ont pas à s'accorder exactement avec les municipalités actuelles. Ça dépend de la biorégion aussi, de comment on conçoit le lieu, quoi, comment on s'insère. Les communes dans l'environnement, dans le milieu, quoi, je veux dire. Bon, eh bien, une production, elle doit être pensée à partir du local, en relation avec les autres lieux, quoi. Donc, c'est pas forcément national. Je veux dire, ça change tous les schémas, là. On est plus au niveau du régional, voilà, c'est les frontières actuelles. Faut pas les considérer telles quelles. Je veux dire, bien sûr, c'est pas dans les médias. On n'en est pas là, on n'est pas encore dans une planification de production. La planification, elle va se faire par le bas et non pas par le haut. Souvent, c'était une des choses que j'ai eu à débattre là, quand on m'a fait une interview dans Ballast à propos du confédéralisme démocratique. Est-ce qu'il peut rivaliser l'État dans justement sa perspective d'une vision plus large de la société ? Effectivement, par le confédéralisme, on y parvient, mais à partir vraiment du débat et de la base, quoi. Vraiment des décisions qui partent du local. Bonjour. Bonjour. Et, du coup, quand on a commencé le débat, et tu nous as dit que, du coup, réflexion, action, ce qu'on est en train de faire, c'est réflexion. Et j'ai une question par rapport à l'action. Et... quand, du coup, tu nous as donné l'exemple de Rojava, et on a parlé un peu de chez des zapatistes. Et au Rojava, c'était une adaptation de municipalisme libertaire, et qu'on l'appelle confédéralisme démocratique, et qui est unique pour cette région, pour le peuple de Moyen-Orient. Et chez des zapatistes, il y a des contextes historiques et politiques assez original. Donc, mais tous ces deux exemples qui étaient avec un peu la question de survivre aussi, parce qu'il y a eu toujours un danger contre les vies de ces peuples sur place. Mais quand on vient sur l'exemple d'une société occidentale où on vit maintenant, par exemple, est-il possible d'une adaptation municipalisme libertaire ici ? Dans cette société, par exemple, en France ou ailleurs, et si oui, comment en fait? Parce qu'on est dans un moment que le capitalisme, c'est telle obsession que les gens ne croient même pas que le capitalisme n'existe que depuis un moment, comme si c'est depuis les débuts de l'humanité. Donc comment on peut sortir de cette obsession capitaliste et de nos conforts pour arriver dans un exemple concret ici, maintenant? Oui, il y a un auteur qui dit c'est plus facile d'envisager la fin du monde que la fin du capitalisme. Donc, c'est vrai, on en est là. Mais n'empêche que si, effectivement, non plus, on ne peut pas s'excuser du fait de dire, bon, mais les sapatistes, ils ont des conditions vraiment très favorables, mais le Rojava, ils ont des conditions très favorables. Enfin, je veux dire, c'est pas le contexte, effectivement, créé. Le contexte favorise quelque chose, il peut... Mais justement, notre devoir, c'est justement de ne pas mythifier ces lieux, de dire qu'il y a ici des difficultés, ce sont des conditions différentes. Voyons quelles sont nos conditions objectives dans lesquelles on vit actuellement et essayons de faire quelque chose, parce que si on a toujours tendance, cette tendance-là aussi, à reporter quelque chose de chouette ailleurs. Hein. Moi, on a vu à un moment donné, c'était... je sais pas, il y a eu Cuba, après il y avait le Che, après il y avait Evo Morales, après il y a ouais là-bas c'est bien. Donc on fait des on mythifie quoi certaines actions, certains lieux, et nous on oublie d'agir. Mais la meilleure façon d'agir pour aider ces brèches qui sont en fait dans le capitalisme, c'est vraiment de tendre la main de chaque côté et d'essayer d'ici et maintenant de faire quelque chose. C'est ici dans le cœur même du capitalisme peut-être que on peut les aider le mieux, parce qu'à fur et à mesure où on sera capable de créer des alternatives réelles au capitalisme, à ce moment-là, on viendra en main, parce que le capitalisme sera obligé de lâcher prise là où il y a déjà des choses qui sont faites. C'est un peu aussi l'appel des sapatistes avec la Sexta, qui demande une internalisation de leur lutte, et ils font appel à ça. Ils font tout le temps appel à ce que nous, on développe aussi. Ici, je ne sais pas en France, mais en Espagne, il y a des associations pro-kurdes qui essayent de faire en sorte de développer le confédéralisme démocratique dans ces lieux. Je suis allé dernièrement à une journée où ils avaient besoin de faire le lien entre le syndicalisme et le communalisme en Catalogne. Et c'était quand même intéressant de voir ce qui se fait là-bas et de quelle façon nous, ici, avec des conditions totalement différentes, on peut prendre des éléments quand même, aussi bien chez les sapatistes que chez les Kurdes. Et on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se creuser la cervelle, essayer de voir comment on peut faire. Mais il faut réfléchir ensemble. Et ce sont dans nos pratiques qu'on va être... On va être confronté à changer la conception des choses et notre empathie aussi envers les autres. C'est important. On prend une dernière question là-bas pour laisser les humains ici se reposer et aller parler avec la nature. Et il y a la dame qui est là qui veut bien lire dans un coin les textes dont elle a parlé. À quelle heure ? Ça serait bien à 6h30 devant l'ambassade. Hein. Ceux qui ont envie, eh ben on peut faire une petite lecture commentée des passages de Bookchin, hein, qui sont en lien avec ce dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'homme et l'animal. Voilà. Donc, dernière question. L'importance d'être. Qui galère, les points. Moi j'avais une question sur je vois une sorte de paradoxe entre cette idée selon laquelle Bookchin a l'air de soutenir que c'est compliqué dans une ville de plus de 100 000 habitants, vous expliquez des municipalités qui essayent de théoriser une espèce de plafond au-delà duquel ce serait plus dur à organiser, voire pas possible, la vie en communauté, un respect avec la nature, un respect avec chaque être humain. Cependant, vous avez l'air de dire aussi que pour faire gagner cette idée, il faut un mouvement, j'imagine, de plus de 100 000 personnes. Une municipalité, elle est établie géographiquement, voire avec des infrastructures, et c'est peut-être même plus facile ce serait même plus facile si ce mouvement serait établi, alors que c'est quelque chose d'assez éparse, si on veut gagner, parce qu'il y a l'objectif de faire tomber le capitalisme. Comment on organise, si, selon Bookchin, c'est compliqué d'organiser une municipalité avec plus de 5000 habitants, comment on organise un mouvement, qui est quelque chose d'encore plus éparse qu'une municipalité, avec peut-être 10 fois plus de personnes? Parce que les Gilets jaunes étaient presque, je sais pas, peut-être un jour il y avait 1 million de personnes sur les Champs-Élysées, on n'y est pas arrivé, peut-être pour d'autres raisons, mais le régime n'est toujours pas tombé, enfin bon. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est par rapport à l'absence de représentativité qui est revendiquée. Je ne suis pas forcément pro-représentant, je n'ai pas envie d'avoir un despote, mais force est de constater que ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de partis politiques qui s'élèvent grâce à ça. Moi, je m'en fiche un peu de savoir si Greta Thunberg a fait ça pour flatter son ego. Je trouve que son action est extrêmement utile. Donc, est-ce que utiliser ce concept de représentativité à des fins d'atteindre un but, puisque vous avez répété plusieurs reprises, il ne faut pas oublier le but. Le but, c'est de faire tomber le capitalisme. Si ça doit passer par des représentants, je ne vois pas pourquoi on devrait s'y opposer frontalement. D'accord. Voilà. C'est ma deuxième question. Très bonne question. Parce que, en fait, ça pose le problème réellement et l'alternative, justement, du communalisme par rapport à tout ça. Dans mon bouquin, donc, je fais l'histoire de justement des représentativités qui ont, à un moment donné, pu représenter vraiment un espoir très grand. Je reprends la première question. Lorsqu'on parle d'un mouvement, ce n'est pas quelque chose qui est localisé dans une ville. Un mouvement, c'est quelque chose qui comprend un pays entier, deux pays, trois pays, l'Europe, le monde. C'est quelque chose qui est structuré sur autre chose. Enfin, on va commencer petit, évidemment. On va commencer petit. Dans une ville, lorsqu'on parle d'un mouvement, je ne parle pas de l'organisation communaliste dans une ville. Ça demande autre chose. Ça demande justement une décentralisation totale de la ville. Mais dans un premier temps, justement, l'action politique dans une ville, c'est le faire par quartier. Évidemment, si on pense qu'on va pouvoir faire une assemblée